2OP. Face à tout ce qui se passe dans ce monde, on aurait pu choisir une musique violente, comme des assassins. Or il se trouve que la musique est plus douce que tous ceux qui ouvrent leurs mains. Équivoque sur le flot qui t'annonce la rébellion. Elle lançait sur une route au sein de la dite nation. L'histoire se répète, tout cela en continu. Et du plus important avec le mot superflu. J'écris chaque jour parce que je suis convaincu que l'État cache la suite au pays des corrompus. Une lutte sans merci, sans qu'on te demande pourquoi. Exclusifs sont les gens et se prennent toujours pour des rois. Justice d'un temps où on a pleuré les nôtres. Et tout ça parce qu'on dit c'est pas nous, c'est les autres. Profilé dans le sens où on a effacé la flèche. Métaphore sur le flot et toujours que j'assèche. Regarde le monde qui se perce les tympans. Avancer sans rien voir et se protéger les flancs. C'est toujours mieux que d'en prendre de toujours plein les dents. Déjà bien assez de pouvoir écrire ses tourments. C'est qui eux? Ils nous rejoignent. Équivoque sur l'écriture et tout ça dans la rime. Celle qui chaque jour nous laisse rien de sublime. On a le droit de croire et voir à autre chose. Faudra que je prenne le temps de lire cette prose. La colère envahit les rejetés de la société. Crois pas que je sais pas qui détient la vérité. Je galère assez pour arriver à expliquer qu'avec un bout de pain, on peut toujours mieux saucer. Unanime est le constat au sein de la pauvreté. Et pourtant si c'est dire où on évite de sauter. Et tirer la goupille qui a jamais pensé. Tout ça me donne l'amertume et moi je vais ressasser. Assez, j'entends plus le bruit, celui dehors. La nature préfère se taire toujours à tort. Va falloir peut-être penser à faire un effort. Ça te montre moins que moi je serai jamais d'accord.